بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Au nom du Dieu de bonté et de miséricorde, ils te questionnent sur les dépouilles. Dis-leur, les dépouilles reviennent à Dieu et à l'envoyé. Craignez Dieu et soyez d'accord entre vous, et obéissez à Dieu et son envoyé si vous êtes croyant. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Les croyants, ce sont ceux de qui le cœur frémit à l'invocation de Dieu. Quand leur sont récités ces versets, leur foi en est doublée, et en leur Seigneur ils se fient. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Ceux qui font la prière et qui, sur ce que nous leur procurons, dispensent. أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. Ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront des grades auprès de leur Seigneur, un pardon et une rémunération généreuse. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. Aussi vrai que ton Seigneur t'a fait quitter justement ta demeure, et il est des croyants qui ont aversion. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. Qui discute avec toi de la vérité après qu'elle est apparue clairement, comme si à la mort ils étaient poussés les yeux ouverts. وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ. Dieu vous promit l'une des deux troupes, qu'elle serait pour vous. Et vous souhaitiez avoir affaire à la moins puissante. Dieu voulait établir la vérité par ses paroles et courtauder les infidèles. Pour qu'il établisse la vérité et anéantisse l'erreur, même si les scélérats ont aversion. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Vous imploriez le secours de votre Seigneur et il vous exauça, disant « Je vous enverrai un millier d'anges qui voleront à votre secours ». وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Ce n'était là qu'une bonne nouvelle que Dieu vous annonçait, et pour que vos cœurs fussent tranquilles, car l'assistance ne vient que de Dieu. Dieu est tout-puissant et toute sagesse est en lui. إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجَزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ. Il étendit sur vous un sommeil calme et sur vous fit tomber du ciel une eau par laquelle il vous purifia et vous nettoya des souillures de Satan. Et pour fortifier vos cœurs et affermir par elle les pas. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. Ton Seigneur inspira aux anges, je suis avec vous, affermissez les croyants. Je jetterai l'épouvante dans les cœurs des infidèles, frappez au haut du cou et frappez-les à chaque doigt. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. Cela parce qu'ils sont allés en guerre contre Dieu et son envoyé, et quiconque va contre Dieu et son envoyé, qu'il sache que Dieu châtie durement. Cela, goûtez-le, et que les infidèles auront le supplice du feu. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. Croyants, quand vous rencontrerez des infidèles en ordre de bataille, ne leur tournez pas le dos. وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et quiconque ce jour-là leur tournera le dos, non point se mettant en position de bataille ou se ralliant à un groupe, s'en retournera chargé de la colère de Dieu, et son refuge sera la Géhenne, pire destination. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. Vous ne les avez pas tués, mais c'est Dieu qui les tua. Et tu n'as point lancé quand tu as lancé, mais c'est Dieu qui a lancé pour qu'il fasse accomplir par les croyants de beaux exploits. Dieu est parfait entendeur et omniscient. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. Cela, sachez-le, et que Dieu réduira à néant les entreprises des infidèles. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم. وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ وَلَن تُغْنِيَ عَنكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ. Si vous voulez la guerre, vous avez eu la guerre, et si vous vous abstenez, cela vaudra mieux pour vous. Si vous recommencez, nous recommencerons, et votre rassemblement, fût-il nombreux, ne vous servira de rien. et que Dieu est avec les croyants. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. Croyants, obéissez à Dieu et son envoyé et ne vous détournez pas de lui alors que vous entendez. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. Ne soyez pas comme ceux qui disent nous avons entendu alors qu'ils n'entendent pas. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. Les pires monstres, aux yeux de Dieu, ce sont les sourds et muets qui ne comprennent pas. Et si Dieu savait en eux quelque bien, il les ferait entendre. Et s'il les faisait entendre, ils se détourneraient et passeraient outre. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. Croyant, répondez à l'appel de Dieu et l'envoyé. Quand il vous appelle à ce qui vous ramène à la vie, sachez que Dieu met un voile entre l'homme et son entendement, et que devant lui vous serez rassemblés. Craignez une guerre civile qui n'atteindrait pas uniquement les injustes d'entre vous, et sachez que Dieu est avec ceux qui le craignent. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. Rappelez-vous le temps que vous étiez en petit nombre, opprimés sur terre et craignant que les hommes ne vous enlèvent. Il vous donna asile et vous appuya de son assistance, et il vous procura une subsistance pure. Peut-être serez-vous reconnaissant. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. Croyant, ne trahissez pas Dieu et son envoyé et ne violez pas votre dépôt alors que vous savez. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. Sachez que vos richesses et vos enfants ne sont qu'une tentation et que Dieu a devers lui une rémunération immense. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. Croyant, si vous craignez Dieu, il vous conférera une preuve tranchante, expiera pour vous vos fautes et vous pardonnera, et c'est de Dieu que la générosité est immense. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Les infidèles t'entreprenaient pour te retenir, te mettre à mort ou t'expulser. Ils entreprenaient et Dieu entreprenait et Dieu est le plus habile à entreprendre. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَذَا إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Quand nos versets leur sont récités, ils disent « Nous avons entendu ». Si nous voulions, nous en dirions autant. Et ce n'est qu'un amas d'écritures entassées par les anciens. وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. Seigneur, dirent-ils, si ceci est bien la vérité venant de toi, fais pleuvoir sur nos têtes des pierres du ciel ou abattre sur nous un supplice douloureux. Dieu n'était point pour les supplicier tant que tu fus parmi eux, et Dieu n'était point pour les supplicier tant qu'ils imploraient son pardon. وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنْ أَوْلِيَاءُهُ إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et qu'avait-il à ce que Dieu ne les supplicia alors qu'ils détournaient du temple sacré duquel ils n'étaient point les ministres? Et ne sont ministres de lui que les dévots du Seigneur, mais la plupart d'eux ne savent pas. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ. Leur prière devant le temple n'était que sifflement et battement de mains. Goûtez donc le supplice pour ce que vous étiez infidèles. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. Les infidèles dispensent leurs richesses pour détourner de la voie de Dieu. Ils les dispenseront et s'en mordront les doigts. Ensuite, ils seront vaincus et les infidèles seront rassemblés vers la géhenne. ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون. Pour que Dieu distingue le mauvais du bon, jette l'un sur l'autre le mauvais, entasse pêle-mêle le tout et le jette en la géhenne. Ceux-là seront les perdus. قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ. Dis aux infidèles que s'ils s'abstiennent, il leur sera pardonné ce qui est déjà passé. Et s'ils recommencent, qu'ils sachent que les anciens ont déjà éprouvé notre loi immuable. Combattez-les jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de tentation et que le culte tout entier soit voué à Dieu. S'ils s'abstiennent, sachez que Dieu est pardonneur et miséricordieux. Et s'ils se détournent, sachez que Dieu est votre allié et digne défenseur. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. Et sachez que toute chose que vous prendrez à l'ennemi, le cinquième en revient à Dieu et à l'envoyé, aux proches parents et aux orphelins, aux pauvres et aux voyageurs. Si vous croyez en Dieu et à ce que nous révélâmes, à notre serviteur, au jour de la preuve tranchante, au jour où se rencontrèrent les deux rassemblements, et Dieu est tout-puissant. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم. Vous étiez sur le versant le plus proche et eux sur le versant opposé. Et le convoi passait en aval. Si vous vous étiez promis la rencontre, vous auriez, de part et d'autre, manqué à la promesse. Mais c'était pour que Dieu mît à exécution un ordre qui fut accompli. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. Pour que périsse en vertu d'une preuve quiconque périt, et que survive en vertu d'une preuve quiconque survit. Dieu est parfait entendeur et omniscient. Dieu te les fit voir peu nombreux dans ton rêve, et s'il te les avait fait voir en grand nombre, vous auriez fléchi et vous vous seriez disputé sur l'affaire, mais Dieu fit grâce et lui sait ce que scellent les cœurs. وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. Dieu vous les fit voir lors de votre rencontre, peu nombreux à vos yeux, et vous diminua à leurs yeux, pour que Dieu mît à exécution un ordre qui fut accompli, et c'est à Dieu que seront ramenées toutes choses. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. Croyants, quand vous rencontrerez une troupe, demeurez ferme et invoquez Dieu avec ferveur. Peut-être que vous prospérerez. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Obéissez à Dieu et son envoyé. Évitez toute dispute entre vous, car vous fléchirez et tomberez le vent qui pour vous s'est levé favorable. Et persévérez, Dieu est avec les persévérants. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Ne soyez pas comme ceux qui ont quitté leur demeure en vain pour se faire voir des hommes et pour détourner de la voie de Dieu. Et Dieu sait tout ce qu'ils font. وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Satan leur fit voir sous un beau jour leurs œuvres. Aujourd'hui, leur dit-il, aucun peuple ne pourra vous vaincre et je serai votre refuge. Lorsque les deux parties furent en vue l'un de l'autre, il tourna les talons. « Je vous renie, dit-il, car je vois ce que vous ne voyez pas. Je crains Dieu. » Et Dieu châtie durement. « Ith yakoulu l'munafiqoun wal-lazine fi qulubihim maradun gharraha ulai dinuhum. » وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Les hypocrites et ceux qui ont au cœur un mal disaient « Ceux-ci ont été séduits par leur religion. » Et quiconque se fie en Dieu, qu'il sache que Dieu est tout-puissant et toute sagesse est en lui. وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. Si tu voyais, quand les anges venant arrêter les jours des infidèles les frapperont sur la face et le derrière, et goûtez le supplice de la calcination. Cela pour ce que vos mains ont perpétré, et que Dieu n'est pas un tyran pour les serviteurs. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. Tel le sort du peuple de Pharaon et leurs devanciers qui renièrent les signes de Dieu. Dieu les emporta en punition de leurs péchés. Dieu est tout-puissant et il châtie durement. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. Cela, sachez-le bien, et que Dieu n'est pas pour changer en vicissitude sa grâce accordée à un peuple jusqu'à ce qu'il change ce qu'il est d'eux-mêmes. Et Dieu est parfait entendeur et omniscient. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. Tel le sort du peuple de Pharaon et leurs devanciers. Ils renièrent les signes de leur Seigneur, nous les emportâmes en punition de leurs péchés et engloutîmes le peuple de Pharaon, et tous étaient injustes. Inna sharra dawab 'indallahi alladhina kafaru fahum la yu'minun. Les pires monstres aux yeux de Dieu, ce sont les infidèles. Et qui n'ajoutent pas foi. الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. Ceux avec qui tu fis alliance et qui ensuite à chaque fois violent leur alliance et qui ne craignent pas Dieu. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. Si tant est que tu les surprennes à la guerre, donne-leur une leçon qui serve d'exemple à leurs successeurs. Peut-être qu'ils réfléchiront. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. Et si tant est que tu craignes de certains la trahison, dénonce leur pacte. Dieu n'aime pas les traîtres. ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون. Et ne crois pas que les infidèles aient pris de l'avance, ils ne mettront pas à bout la toute-puissance de Dieu. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Préparez à leur intention ce que vous pourrez d'armes et de chevaux à la tâche, par lesquels vous inspirez l'effroi à l'ennemi de Dieu et l'ennemi de vous, et à d'autres en deçà d'eux, et que vous ne connaissez pas, Dieu les connaît. Et toute chose que vous dispenserez dans la voie de Dieu vous sera payée au comble, et vous n'aurez à souffrir aucune injustice. S'ils battent de l'aile vers la paix, bat d'une aile vers elle et fie-toi en Dieu. C'est lui le parfait entendeur, l'omniscient. Et s'ils veulent te trahir, Dieu te suffira. C'est lui qui t'appuya de son assistance et par les croyants. وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. Et il accorda les cœurs. Si tu avais dispensé tout ce que porte la terre, tu n'aurais pas accordé leur cœur, mais Dieu les accorda. Lui est tout-puissant, et toute sagesse est en lui. Ya ayyuhan nabiy, hasbukallahu wa man ittaba'aka min al-mu'minin. Prophète, Dieu te suffira, toi et les croyants qui te suivront. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Prophète, excite au combat les croyants. S'il est de vous une vingtaine qui soit persévérant, ils vaincront 200. Et s'il est de vous une centaine, ils vaincront 1 000 000 sur le nombre des infidèles. Cela parce qu'ils sont des hommes qui ne comprennent pas. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. Maintenant, Dieu a allégé votre charge et il a reconnu qu'il est en vous une faiblesse. Si donc il est de vous une centaine, ils vaincront 200, et s'il est de vous 1 000 000, ils vaincront 2 000 avec la permission de Dieu, et Dieu est avec les persévérants. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. Il ne sied à un prophète qu'il ait des captifs jusqu'à ce qu'il laisse la terre jonchée de mort. Vous voulez la matière d'ici-bas et Dieu veut l'autre vie. Dieu est tout-puissant et toute sagesse est en lui. Laula kitabun min Allah sabaq lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim. N'était un écrit de Dieu ayant précédé, il vous aurait atteint pour ce que vous avez pris, un supplice immense. فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Nourrissez-vous donc de ce qui est licite et pur sur les dépouilles que vous avez prises et craignez Dieu. Dieu est pardonneur et miséricordieux. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. Prophète, dis aux captifs qui sont en vos mains, si Dieu sait en vos cœurs quelque bien, il vous donnera mieux que ce qui vous a été pris et il vous pardonnera. Et Dieu est pardonneur et miséricordieux. وَإِنْ يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Et s'ils veulent le trahir, sache qu'auparavant ils trahirent Dieu, et lui triompha d'eux. Dieu est omniscient, et toute sagesse est en lui. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Les croyants qui ont émigré et combattu en personne et en se servant de leurs propres biens dans la voie de Dieu, et ceux qui leur ont donné asile et qui ont pris leur défense, ceux-là sont alliés les uns des autres, et les croyants qui n'ont pas émigré, vous n'êtes liés à eux par aucun pacte. Et s'ils vous demandent assistance en la religion, vous devrez assistance. Sauf contre un peuple qui serait votre allié. Et ce que vous ferez, Dieu le verra. Et les infidèles sont alliés les uns des autres. Si vous ne le faites, l'anarchie sévira sur terre et fera de grands ravages. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. Les croyants qui ont émigré et combattu dans la voie de Dieu et ceux qui leur ont donné asile et qui ont pris leur défense, ceux-là sont les vrais croyants. Ils auront pardon et rémunération généreuse. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. et ceux qui se sont convertis par la suite et qui ont émigré et combattu à vos côtés, ceux-là sont de votre nombre, et les liens du sang priment au livre de Dieu. Et Dieu connaît toutes choses.